Capita, capita, mokole loco. Mantanga, mantanga, mantanga, you. Biscuit des écoliers, le bougard de tous les animateurs. Dans le lot et sali bango pito pere la manaki. Raulitano, Janolo Matabos, Aleka Tuka Nandila, Pisawa, CPP, Kongolo, Katuka Nandila, animateur pasteur. Il était comment? Il s'appelle le jeune premier Mangoko, ton grand prêtre Tata Yabane Bélé Moutete la Mofo et Akasa Kasa Mwana ya RDC et l'Okwa Makasi. Le grand chamousquet est là, Alain Kouala, porte-parole du gouvernement. Zoué Makobo, Alain va comprendre ma tête. Biscuit des écoliers, Adji Moutombo, les régulateurs. Richman Ansi, Ayakate Aye. Classe des nobles chez Peter Kahn. Patrick Chalala, Emile Tissia, Carnaval Casino, Mao, le grand sénateur, Sambila, Jean-Marie Mondele, l'Advantage. Mioto Liolo, Zetka, Okozoko, Mimi na Kangudi, Mwasi Kitoko, Camionnette Panzo, Imerika TV, Mokola memaka mwana mokele lengi, Kasi mwana mokele memaka mokola na pasi. Wera Sole, Papa Netsose, Na Zamba, Nyamanyo Swazala Kana Moninga na ye. Toi na Zamba te. Oye loko nini? Na mandefu na mo. Lisi nini wana? Na mandefu na mo. Oye bore nini? Na mandefu na mo. Lisi nini wana? Na mandefu na mo. Moko okoli. Masatamba. Moko okoli. Na matamba. Moko okoli. Boga moko moko okoli. Docteur Kelly à Baltimore. Blaise Kani, mon conseil à Bijou dans Pavillon 5. Qui cherche à oublier, ça se souvient encore et encore. Parole de grand prêtre Liberty Bangani, Café Coton, Léon Mungele, Kayoko Mungele. Tango fort, Bokonzi Abakonzi, Lina Movibra, Jovit Mbombo, Marie Noël, Antenne A, Eloko Etokobi na Mwende Abakongo, sala na ye pe na nzembo na ye biscuit des écoliers mama lekin yo mama lekin moto ya moke e banda kana ngoma pepe le grand mon frère ouais major kaïs kima Gérard Kayende L'ours blanc de Montiquet Et Diba les cases Bayaya Ma sorte à Wamanja Et ma reste à Wadorma La vie appartient à ceux qui s'élèvent et tout Motomoyo ma kokaka comme mesuré yéke Les un grand frère propre Fio l'homme le grand mon pauvre. Il est à Missou. ACD. Groupe d'amis de bonne manière. Aguilima. Anselme Mumba. Aguilima. Le prince. Là, nous va comprendre, Tenji. Va comprendre. Ouais.